suis des gangsters. Moi j'ai choisi de prendre le micro comme un revolver. Envoie-moi et prends ta mère quand je la monte en l'air. Sévère, j'ai la maladresse d'abuser un pour me détendre les nerfs. Mauvaise idée, je vais traquiser. Toujours abuser, ruser des bébés et des grands poules. La scène laisse tomber les cheveux défrisés. Bouge que pour mes gars, sur les yeux fermés déguisés. Forcené et mon état d'esprit s'est brûlé. Comme la gueule d'un bull terrier. Sous le tatami, l'animalier. J'ai une vie enrayée, j'ai mis la patience dans le barrier. Sauf fraîche et familier. Parmi les chefs de la casse, les plus grillés. Des fourrailles avec classe, jusqu'à les humilier. Dans mon cas, on est des milliers. Guerriers de l'ombre, juste dit que vous aurez plus pu crier. We'll be right back.